J'ai l'impression que dans ce que je dis, vous ne prenez pas en compte les gens, parce que finalement, vous restez pas sensible, et les étranges disent que je suis pas sensible et tout. J'ai l'impression que ça va pas assez loin par rapport à la vie sur l'espèce, parce qu'elle s'étend aussi à tous ces êtres vivants. Et la question, c'est, effectivement, il y a une industrie de la viande qui est horrible, et l'industrie de l'agriculture, elle est dégueulasse aussi, on leur met plein de produits chimiques. Je pense pas qu'elle soit très heureuse, quoi. Une plante, elle va chercher du soleil, elle va s'adapter. Quand elle est en stress, elle fait plein de bébés, quoi, comme tout être vivant. Et donc, voilà, j'ai l'impression qu'il il manquait les plantes. Oui, c'est parce que je parle des êtres sensibles et que je pense qu'on a. Je pense qu'il y a de très très peu de chances que les plantes soient sensibles et qu'en tout cas à l'heure actuelle on n'a aucune raison positive, aucun argument probant pour penser que les plantes soient sensibles. C'est-à-dire que je différencie entre des êtres vivants. Tu veux prendre la parole? Je différencie entre des êtres vivants qui ne sont pas nécessairement sensibles et des êtres sensibles. Je pense vraiment qu'à partir de. Il faut qu'on puisse éprouver des sensations et donc avoir des préférences pour qu'on puisse dire qu'on a des intérêts à défendre, des intérêts qui peuvent être pris en compte. À l'heure actuelle, les plantes, on n'a vraiment strictement aucune raison, je parle de raison valable, je veux dire, moi aussi quand je suis dans mon potager et que j'arrache des plantes, j'ai tendance à projeter sur les plantes, à me dire, ah ben, celle-là, elle a cru qu'elle avait échappé à mon intention, mais non. Je les fais même parler, tu vois, quand. Mais ça signifie pas en soi qu'elles sont sensibles. Je pourrais faire la même chose avec des rivières ou des montagnes, ou avec Dieu, ou que sais-je. On a, à l'heure actuelle, vraiment. Toutes les expériences qui ont été menées sur ces questions-là, par exemple, se sont révélées non probantes. Et énormément de rumeurs courent sur une sensibilité des plantes qui ne sont pas tenables deux secondes si on y réfléchit vraiment. Il y a une vingtaine d'années, j'ai écrit un article qui s'appelle « Au sujet de la sensibilité que certains attribuent aux plantes », et du coup j'avais bouquiné pas mal de bouquins, la vie mystérieuse des plantes, l'intelligence des plantes, etc. etc. À l'époque, on parlait beaucoup de la sensibilité des plantes à la musique. Bon, de fait, les expériences qui étaient censées avoir été faites à l'époque par le FBI ou la CIA, ce qui permettait de pas avoir les protocoles et tout ça, il y a eu des expériences similaires qui ont été faites et qui n'ont pas donné de résultats. Mais en plus, penser que les plantes puissent préférer Beethoven au rock, par exemple, ce qui était le type de discours qu'on avait il y a une vingtaine d'années, ça aurait signifié non seulement donc qu'elles aient une possibilité de ressentir des choses pour laquelle on n'a aucun indice, mais aussi qu'elles pourraient donc ressentir les vibrations sonores, qu'elles pourraient ressentir les mêmes spectres de vibrations sonores que nous. C'est-à-dire qu'un concert de Beethoven, c'est quelque chose qui est un concert qui est quelque chose qui a été travaillé pour une harmonie sur un spectre sonore particulier, mais qui est une véritable cacophonie dans les ultrasons et dans les infrasons, etc. Et ça aurait été en plus supposé qu'elles auraient une culture musicale qui serait du même type que nous, parce que c'est bien évident que si je sais pas, moi je fais écouter du rock à des Indiens d'Amazonie qui ne l'ont jamais écouté, ils ne vont pas apprécier particulièrement. De la même façon qu'un humain français du 19e siècle n'aurait pas du tout apprécié le rock ou le rap, parce que la culture ne correspond pas. Et donc ces allégations-là de la sensibilité des plantes à telle ou telle musique plutôt qu'à telle autre et tout ça, c'est déjà sans même faire des expériences, tout ça, c'était des allégations dont on pouvait penser qu'elles étaient plus de la projection gratuite de notre part qu'autre chose. Là, récemment, on parle beaucoup de la communication des plantes. À la télé, on a parlé des exemples de ces acacias qui sont broutés par des koudous, des antilopes, et qui alertent leurs congénères, qui vont produire du tanin que les koudous n'aiment pas, et donc les koudous vont cesser de manger les feuilles, etc. On a parlé de communication. Mais en fait, il n'y a pas besoin de faire intervenir l'idée d'une communication au sens réel du terme, c'est-à-dire d'une volonté de transmettre une information, enfin, c'est-à-dire une volonté, un objectif, etc., pour expliquer ça. Enfin, l'évolution darwinienne explique très bien que des arbres qui sont broutés, s'ils secrètent S'ils sécrètent du tanin, ils seront moins broutés. Si en plus, quand ils se font brouter, ils libèrent de l'éthylène, puisque c'est de l'éthylène, et que cet éthylène est capté par d'autres arbres qui, du fait de ce fait-là, vont produire du tanin, c'est des arbres qui vont plus avoir de possibilités de survie et de se reproduire que d'autres arbres. Et donc, cette caractéristique qui a pu naître par hasard ou progressivement va s'implanter au sens où les arbres qui en sont porteurs vont supplanter les autres arbres. Et donc, progressivement, l'ensemble de ces acacias vont avoir ce type de réaction. Mais ça n'implique pas ni une conscience, ni une intention, ni une véritable communication. C'est un abus de langage. Je peux prendre un autre exemple. C'est que, par exemple, si on met des pommes ensemble et qu'il y a une pomme qui pourrit, eh ben, la pomme qui pourrit dégage le même gaz, l'éthylène, que les acacias. Et ce gaz a pour effet de faire pourrir, de hâter le pourrissement des autres pommes autour. On ne parle pas de communication dans ces cas-là. C'est un effet... Donc pour revenir... Mais bon, si un jour il devait s'avérer que les plantes sont sensibles... Le problème se poserait de la même façon que pour les animaux. De même, moi, je parlais des éponges. Si un jour, les éponges, s'il s'avère que les éponges, c'est deux types de cellules. Nous, je crois qu'on a une trentaine de types de cellules, dont des cellules nerveuses. Les éponges, il y a un type de cellule qui forme une sorte de masse indistincte au centre et un type de cellule qui forme une sorte de membrane externe, une sorte d'épiderme. Mais un épiderme constitué d'un seul type de cellule, non pas de trois ou quatre comme nous. Et les éponges filtrent en fait l'eau et retiennent les matières organiques qu'elles peuvent d'une certaine façon digérer. Chaque cellule, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement indifférencié. Et il est extrêmement difficile d'imaginer que des organismes de ce type-là puissent ressentir quoi que ce soit. Quoi. Voilà, j'ai été un peu long là-dessus, mais c'est aussi une objection qui revient tout le temps. J'ai pas d'opposition de principe à la prise en compte des plantes, c'est que simplement j'ai aucune raison de penser à l'heure actuelle que ça ait un sens de dire qu'on peut prendre en compte leurs intérêts. Pour voir la question des plantes, indépendamment de cette fausse opposition entre des intérêts des plantes et des animaux, enfin, les plantes doivent être comme respectées aussi pour elles-mêmes, indépendamment qu'elles aient une conscience ou pas. Enfin, il n'y a aucun. L'intérêt dans cette logique-là à conduire à aller, déforester un endroit où à la plus petite échelle pour placer dans leur conscience, donc elles sont à prendre en compte au maximum. D'ailleurs, bon, les plantes aussi hébergent aussi beaucoup d'habitants, donc même pour cette raison-là, c'est aussi respecter les animaux par-dessus un corps, quoi. Ça, par contre, sur la question de nature, alors c'est vrai que la nature a souvent été utilisée pour justifier la loi du plus fort, etc. En fait, c'est dans une logique sociale darwiniste. Mais ceci dit, je pense qu'on peut pas évoquer quand même la nécessité, comme ça peut arriver dans cette discussion que je peux entendre dans des stands pour la question animale. En fait, dire bah la vie de la nous on est vegan, la nature on s'en fout. Bah non, en fait c'est pas vrai. Quoi. La nature on s'en fout pas. La nature c'est quand même un ensemble dans lequel nous en tant qu'humains et que les autres animaux en font partie, que les plantes en font partie. Et que le but, c'est quand même de se respecter au maximum. Enfin, je ne sais pas ce que tu veux dire, mais... Moi, je pense que la nature, ça n'existe pas, que c'est une fiction. Il y a le monde qui existe, mais que le monde, il n'est pas ordonné ou toute chose à sa place. Il génère pas une intention et il prescrit pas des normes à suivre, des modèles de comportement et des... je pense que l'idée de nature dans une société elle se veut descriptive du monde. La nature c'est la partie du monde qui n'est pas intentionnelle comme le sont les choses que font les humains, mais en fait elle est prescriptive parce que c'est fondamentalement une idée de nature mystique, de nature religieuse. Je pense que la nature à l'heure actuelle joue le rôle de succédané de Dieu. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur ça, mais clairement, elle a un rôle prescriptif. Par exemple, que n'a pas la notion de réalité. La notion de réalité peut être extrêmement critiquable, mais au moins, elle n'a pas ce rôle prescriptif. On parle, par exemple, de choses, de comportements ou d'êtres qui seraient contre nature. C'est-à-dire qui, quelque part, ne devraient pas exister. La notion de réalité, ça n'a pas de sens de parler de choses qui seraient contre-réelles. Les choses sont réelles ou n'existent pas, point, quoi. L'idée de nature, c'est bien plus sournois que ça. C'est vraiment l'idée qu'il y a des choses qui ont un droit à l'existence, et des choses qui existent mais qui ne devraient pas exister, qui sont hors normes, hors... Qui ne rentrent pas dans l'ordre naturel, qui ne sont pas adoubés, avalisés, qui n'ont pas reçu le tampon certificateur de l'ordre naturel, c'est-à-dire de l'entité mystique nature, et qui, pour cette raison, sont à rejeter. Quoi. Et je pense qu'il voulait parler des écosystèmes. Oui. Ça, c'est le sujet. Oui. Mais c'est évidemment, il faut prendre soin du monde de façon générale, en tant que c'est notre demeure et la demeure de l'ensemble des êtres sensibles. Ah ouais. Mais oui, tu as raison, j'ai réagi de façon réflexe au mot nature. Là-bas, j'ai apporté pas mal de documents. Si la réflexion critique de l'idée de nature vous intéresse, il y a notamment une brochure qui s'appelle « Pour en finir avec l'idée de nature et renouer avec l'éthique et la politique ». C'est un peu une sorte de premier jet sur cette question-là, parce que ça mériterait des développements plus importants. Et il y a eu pas mal de textes qui ont été écrits là-dessus, qui sont tous disponibles sur Internet, sur le site des cahiers antispécistes. Il y a vraiment des textes de fond sur cette idée de nature. Sans aller sur le côté sacralisation de la nature, de ce côté mystique, là, je rejoins, est-ce que ce n'est pas une question de respect et de bon sens pour respecter un environnement, que ce soit la faune et la flore? Alors, moi, je serais plutôt partisane de ça, tout simplement. Mais je me pose quand même la question de la définition de l'animal et de la plante, parce que c'est quand même classifié selon des critères qui ont été établis par les humains. Ne serait-ce que l'éponge, c'est plus difficile de s'apercevoir comme animal quand on voit la plante, parce que c'est un végétal qui, après, c'est selon certaines codifications. Et ça veut dire que si on doit plus respecter l'animal, parce qu'on a évoqué une question de sentience, et ça, je le pense tout à fait, c'est plus plante. Pour faire ça, si on découvre de nouvelles espèces, on en découvre tout le temps. Là, il y a justement un archipel qui s'est ouvert à la recherche. Et on voyait un nombre incalculable de poissons inconnus qui étaient épinglés et tués donc, pour être analysés. Donc ça veut dire que si on part sur le principe qu'il faut plus respecter tel animal, enfin l'animal, donc il faut qu'on définisse que c'est un animal, donc pour ça on fait des recherches et au risque d'avoir des comportements qui sont préjudiciables aux intérêts des animaux. Comment on peut, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement avoir un respect maximisé, sans être extrémiste, pour tout ce qui nous entoure? Parce qu'à partir du moment où on dit que c'est juste les animaux qui ont vraiment besoin d'être respectés, car ils sont sentients, c'est-à-dire que quelque part, il faut qu'on les observe avant, et qu'on dissèque, et qu'on... Voilà. Donc comment on fait? Je pense que, vu que pour moi c'est une question morale assez fondamentale, je pense que dans le doute, il faut s'abstenir. Moi, j'ai pratiquement pas de doute. Enfin, je veux dire, on peut pas ne pas avoir un tout petit peu de doute. Je veux dire, de la même façon que je suis athée, je peux pas dire je suis sûr à 100,100% que Dieu n'existe pas. On peut pas savoir qu'une chose existe ou n'existe pas. Et à l'heure actuelle, sur l'histoire de sentience, de capacité à éprouver des sensations, on peut pas avoir des certitudes totales, parce que la science, par exemple, est totalement incapable de rendre compte de cette réalité-là. C'est un mystère que la capacité de la matière à éprouver des sensations. Et c'est un mystère dont, à l'heure actuelle, ni la physique ni la biologie n'arrivent à rendre compte. On peut décrire, d'une certaine façon, comment ça se passe, par exemple, moi, cette histoire de doute, ça joue au sens. Je suis presque sûr que les moules ou les huîtres, qui sont des animaux qui ne sont pas mobiles, et donc qui, logiquement, au cours de l'évolution, n'ont pas eu besoin de développer une sensibilité, parce qu'en fait la sensibilité elle sert à échapper à des dangers ou à réparer des plaies, enfin des blessures. Je pense que les huîtres ou les moules ne sont pas sensibles. Mais bon, dans le doute, vu qu'il y a quand même des embryons de système nerveux, etc., je ne les consomme pas. Mais voilà. Oui, mais ça nécessairement. Je veux dire, quoi que tu fasses, il faut bien que tu le fasses en fonction des informations dont tu disposes. Quand je saute pas par la fenêtre, c'est parce que je dispose de l'information que je risque de m'écraser en contrebas. Non, mais c'est vrai, je fais bien en fonction des informations que j'ai à disposition. Le jour où j'aurai des informations sur Dieu, je tiendrai peut-être compte de... Tu vois, enfin... Ou sur le Père Noël, enfin... Oui. Enfin, je sais pas si c'est... parce que c'est un peu. Avec un tigre, je pense que oui, c'est ça. Il se souciera pas beaucoup de tes intérêts. Et quand on regarde vers nous les compétitions qui ont été l'entraînent, on parle de solidarité à l'intérieur des espèces, finalement de compétition entre les espèces. Et justement, moi, l'antispécisme, a priori, si on ne sait pas comment, même aux bactéries ou aux virus, sont des êtres vivants, on est déjà dans le spécisme. Donc, demander l'antispécisme total, ça me paraît être un peu compliqué. Et moi, je donne souvent l'exemple, j'avais l'exemple. Celui avec qui j'avais discuté, c'est que si je me retrouve dans un incendie, qui est un bébé ou un chat, voilà, c'est apparemment c'est un exemple qui revient, je ne savais pas, mais c'est un exemple qui a été vu à l'esprit, mais apparemment. Et je ne sais pas si c'est ma nature, si c'est ma conscience, si c'est ceci, mais je vais sauver le bébé avant le chat. Et donc finalement, j'en reviens juste à assumer le fait que moi je suis spéciste. Sans être une hypocrisie, peut-être que je voudrais, d'un point de vue moral ou philosophique, être antispéciste, mais je me rends bien compte que. Face à toutes les situations, je me retrouverai spéciste. Moi aussi, je suis spéciste. On est nécessairement spéciste. De la même façon que je suis sexiste, je le regrette, mais je suis né dans une société sexiste et j'ai grandi avec les préjugés sexistes. Ça ne m'empêche pas que je me bats pour l'avènement d'une société non sexiste et d'une société non spéciste. Le fait que je suis dans une voiture sur l'autoroute et je vois un chat écrasé, ça va me faire moins d'effet que si je vois un humain écrasé. C'est une réaction spéciste. Mais en soi, j'en tire pas la conclusion que j'ai tort d'être contre le spécisme. J'en tire la conclusion que je suis imprégné de spécisme. Bon, dans ce cas-là, c'est pas bien grave. De toute façon, ils sont morts. Je peux rien faire pour eux. Moi, je dirais que je suis non sexiste ou non spéciste. Et surtout, j'en tirerai pas des conclusions je vais pas tirer la conclusion que je suis sexiste. Je vais pas tirer de ce fait-là la conclusion que le combat contre le sexisme n'est pas d'actualité. Au contraire. Je voulais apporter une réponse. Bon, les virus ne sont pas considérés comme faisant partie de nos livres, mais ça, c'est un détail. Concernant l'histoire du chat et du bébé dans la maison, bon, que tu sauves le bébé, c'est une chose. Je pense que personne ici va te le reprocher. Mais ce qui m'embête, c'est d'en tirer des conclusions quant au droit que tu pourras avoir sur le chat. Je prends la même maison en feu, tu mets un bébé et une personne âgée. Si tu ne peux pas trouver les deux, je pense que beaucoup de gens sauveront d'abord le bébé. Ils n'ont pas des conclusions sur le droit qu'on pourra avoir sur une personne âgée. Non, mais tout à fait, si j'avais dit à l'inverse que je mettais un homme blanc et un homme noir, donc j'avais sauvé l'homme blanc et l'homme noir, là, je me dirais, je suis raciste. Et je me dirais, ça va. Et a priori, si je me retrouve dans cette figure, je n'aurais pas de choix à faire pour entrer un homme et une femme. Je n'ai pas le choix de faire par contre entre un bébé et un chat. Moi, il est clair de ce qui veut dire que peut-être que c'est un jugement arbitraire, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est plus profond que simplement un code d'éducation. Comme je te disais, par rapport au fait que toutes les espèces animales sont spécistes, c'est que c'est ma culture du côté de l'éducation, à la différence de racisme et de génisme, c'est aussi un aspect pour moi, il n'est pas. Instinctif, justement, parce qu'on est censé être une espèce solidaire, ce qui n'est pas le cas. J'ai l'impression que ce n'est pas du domaine de la réflexion, je me dis que je vais sauver le chat. C'est du domaine de l'instinct de survie de l'espèce. Donc, que je suis spéciste indépendamment d'une idéologie. Enfin, et après, qu'il y ait une idéologie antispéciste pour lutter contre ça et faire qu'on tienne compte de l'intérêt des animaux. Ça, pour moi, ce que je dis, c'est que instinctivement, l'instinct sur lui. Enfin, et même justement dans le domaine de l'éthique, par exemple, les singes, ils peuvent se sauver même leur congénère, ils vont faire, etc., naturellement par rapport à. Enfin, je pense que ce serait le même réflexe que je comprends. Enfin, j'ai l'impression. Merci. Moi, simplement, parce que moi, je suis dans le même point, il n'y a pas des principes de solidarité inter-espèces qui sont pointés. C'est possible. Et du coup, pourquoi nous, en tant qu'humains, on ne pourrait pas les interpréter aussi? Après, évidemment, je suis pas dans une perspective où il faut dire les animaux aussi, tout ça, donc on devrait faire pareil. Je pense que, du coup, moi, je suis plus sur la perspective qui est proposée, de poser clairement. Pourquoi on ne devrait pas prendre en compte les intérêts des animaux? C'est ça la question principale. Et en l'occurrence, sur des pratiques très quotidiennes, comme le fait d'acheter de la viande. Oui, moi, mais ça, par contre, le fait de prendre en compte, c'est en fait ce qui s'est passé. Je disais que, instinctivement, qu'on dit ce qu'ils ont. Alors après, qu'on essaye de prendre en compte, alors, sinon, ça, c'est un autre débat que, a priori, enfin. Il faut le poser comme question morale et pas comme question de. Enfin voilà, moi je pense qu'il y a une différence entre le raciste et le sexiste et le spéciste. Enfin, je n'ai pas le même niveau. Parce que ce que tu avais l'air de faire. Mais c'est-à-dire que même si, par exemple, je réponds rapidement, même s'il s'avérait qu'instinctivement on est spéciste, ou même s'il s'avérait qu'instinctivement on est sexiste, ou même s'il s'avérait qu'instinctivement on est xénophobe, enfin il y a des discours hein, en tout cas qui vont dans ce sens, ça ne rendrait pas. Ni le spéciste, ni le sexiste, ni la xénophobie justifiée d'un point de vue moral. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer qu'on aurait des tendances comme ça, des tendances, je sais pas moi, il y aurait des tendances masculines à la domination, pourquoi pas, ça ne rendrait pas la domination masculine justifiée. Ça rendrait plus compliqué le combat contre la domination masculine, peut-être, mais ça ne le rendrait pas justifié. C'est un peu la même chose, mais c'est pour rajouter un peu sur le fait que je trouve très très critiquable l'idée de prendre les émotions qu'on a, les émotions brutes, comme base d'une éthique, quoi. Je veux dire que dans plein de cas, toi, tu dis que t'as pas ce même genre de différence par rapport au noir et au blanc, etc. Bravo à toi, mais bon, moi, c'est clair que si je vois un attentat à la télé et que c'est des gens qui sont dans un pays lointain, qui parlent une langue bizarre et qui ne se sentent pas culturellement liés, je me fais beaucoup moins de peine, je vois ça comme beaucoup moins tragique que si j'entends parler de, je sais pas, un attentat à la gare. Un peu à Madrid, là, il y a quelques années. Si je vois. Je sais que l'idée qu'un chat se fasse dissectionner, ça me fait une horreur, alors que l'idée qu'une souris se fasse dissectionner, ça me fait beaucoup, beaucoup moins d'effet. Mais voilà, moi je suis ce que je suis avec mes émotions, qu'elles soient instinctives ou qu'elles soient culturellement apprises ou quoi que ce soit, de toute façon, moi, je ne les prends pas comme repère. Parce que j'ai ces émotions-là d'un côté, et de l'autre côté, je me dis, mais putain, le chat, il va souffrir du feu autant que le nouveau-né. Le chat, il a une vie qui est aussi importante pour lui que le nouveau-né. Enfin bon, après, on peut discuter. Le ça, chat. C'est déjà validé. Et, moi, je sais. Si je sauve le bébé, c'est parce que je pense que la vie d'un bébé a plus de valeur que celle. Alors, sur quelle base, dans ce cas, tu devrais pouvoir avoir des arguments pour défendre. Pas simplement dire, pour moi c'est clair, c'est instinctif. Et inversement, pourquoi pas? À partir du moment où tu donnes la valeur à la vie du chat, ou à la souffrance du chat, je pense que la souffrance c'est pas bien, on a envie de vivre. Levez donc le bras pour prendre la parole, ça. Toi, tu voulais parler? Je crois que je suis le plus extraterrestre parce que je suis très peu spéciste, si j'ai parlé. Par rapport à ce que disait monsieur en fait, sur le choix entre le bébé et le chat, je pense qu'il y a un côté le processus de décision. Et dans le processus de décision, il y a un élément qui s'appelle en fait les signes de reconnaissance, c'est-à-dire la capacité à échanger avec des personnes que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas. c'est un monsieur qui s'appelle Eric Bierne, qui a, enfin, celui qui a créé les états, du moi par rapport à tous les enfants, etc. Ça s'appelle la liste transactionnelle. Et pour reprendre l'exemple de monsieur, entre un chat et un bébé, je suis sûr que vous connaissez des personnes reclus qui vivent avec des chats et qui, dans le cas d'un incendie, auraient à choisir entre leur chat et un parfait inconnu, bébé ou pas, ne seraient pas aussi décidés que vous. Pour répondre à monsieur, entre un chat et une souris qui serait remis dans les mains généreuses de la science, je pense que, pareil, certaines personnes qui auraient une souris, qui vivraient avec des souris, qui aiment les souris, je connais des personnes qui aiment des souris plus que les chats. Non, c'est clairement dur, je vis pas avec des chats. Voilà. Je vis avec des chats, je vis pas avec des souris, c'est clair. Oui. Pardon ? Non, je confirme ce que vous dites. Moi, je vis avec des chats, mais pas avec des souris. Voilà. C'est pour ça que j'ai ces réactions, c'est pour moi c'est simple. Tout à fait. Et donc pour continuer en fait sur cette idée d'échange et le fait de reconnaître en fait les autres, c'est vrai que j'ai un peu de mal, un petit peu comme ce que disait monsieur dans sa première intervention sur pourquoi pas les plantes. Hein. C'est que pour moi, effectivement, de la même manière qu'on a pris du temps avant de reconnaître que quelque part l'animal souffrait, qu'on a pris du temps à se rendre compte que l'animal pouvait faire preuve d'une certaine forme de compassion vers les siens, bien qu'on a pris du temps à voir pas mal de choses, je trouve que quelque part, faire sa distinction par rapport au fait qu'il soit sentient, enfin, qu'il ressente la douleur, je trouve que, encore une fois, quelque part, c'est contradictoire, c'est-à-dire qu'on revient spéciste puisqu'on reprend en fait, on se reprend en fait soi-même comme modèle, comme référence, pour dire que la douleur, ça doit être un cri, un mal, etc. etc. Pour moi, je pense que si j'entaille un arbre, il a beau ne pas crier, il a beau ne pas... Pour moi, je lui fais la langue. Alors, j'ai compris, vous allez me dire que je fais une projection. Mais néanmoins, je crois que, en fait, pour être végétarien, parce que souvent c'est la question que pose tous les végétariens, une des questions que les végétariens ont à t'affronter, pourquoi pas les plantes, c'est, je pense que moi, la seule réponse à peu près satisfaisante que j'ai trouvée, c'est la démarche du moindre mal. Et je crois que pour ceux qui sont proches de... Par exemple, des philosophies bouddhistes, par exemple, c'est un petit peu vers ça qu'elles vont. C'est-à-dire qu'une plante, ça fait moindre mal, puisque dans la chaîne alimentaire, les plantes sont en bas et que pour faire un animal quelconque, il faut ça passe par là. J'avais juste une petite remarque à formuler à ce niveau. Quand tu dis qu'on se base sur le cri, bah, c'est pas vrai, parce que les poissons ne crient pas, par exemple, pas pour autant qu'on les mange, donc c'est rien, c'est légal. Oui, mais tu es végétarienne. Végane, oui. Végane, bah, tu non, mais je veux dire, c'est pas un tout le critère, c'est pas qui crie ou qui crie pas. Le critère, c'est qu'il ressent de la douleur, et ça, on sait, parce qu'il va en système nerveux. Oui, mais ce que j'ai dit, c'est que, encore une fois, tu te recentres sur nous, sur le fait que la douleur, tu la caractérises, tu la définis, à partir du moment où tu la définis, tu exclues, on parlait de réalité, d'une certaine forme de réalité, plutôt qu'une autre. Tu dis que c'est parce qu'il y a un système nerveux qu'il y a la douleur. Mais c'est parce que tu viens de le définir de la même manière. En tant qu'on c'est uniquement parce qu'il y a un système nerveux. Non, non. C'est aussi parce que c'est un intérêt du point de vue de l'évolution. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une question de définition. Par exemple, en tant qu'antispéciste, est-ce que vous considérez qu'abattre un animal, c'est un meurtre ? Ou pas ? Oui, clairement. Oui. Donc vous répondez oui clairement. Néanmoins, si vous ouvrez le dictionnaire, vous verrez que la définition du meurtre. Alors, je suis désolé, je ne l'ai pas sur moi, mais si quelqu'un a un dictionnaire, il peut. Non, mais oui, c'est clair, oui, oui. Alors, c'est un meurtre d'humain. Exactement. Clairement. Exactement. Donc, ce que je veux dire par là, c'était une question de définition de notre monde, l'appréhendons, enfin, une fois qu'on le met en vocable, si tu veux, c'est déjà on le change. Pour ceux qui font des langues, vous verrez que plus vous montez en fait en niveau, plus vous vous rendez compte que l'appréhension du monde varie selon votre vocable. Et donc cette définition, pour moi, c'est une trahison. Et donc dire que ça souffre parce que c'est un système nerveux, et que donc si tu n'as pas de système nerveux, ça ne souffre pas, c'est un problème. Pour moi, c'est un problème. Et donc je vous rejoins, monsieur. Pardon ? Moi, j'ai un truc à dire, en fait, c'est que tu lis, en fait, deux dominations, en fait. De libération animale et lutte écologiste. Il dit les arbres devrait être respecté même s'il ne souffre pas. Et voilà. Et en fait, tu lis les deux. Moi, je pense que c'est deux buts qui sont aussi importants l'une que l'autre, mais ce n'est pas la même chose. Quoi. Parce qu'il a dit les buts, est-ce que ce n'était pas prouvé, vous avez prouvé selon nos propres références. Oui, d'accord, mais enfin, ce que tu dis, ça peut être utilisé aussi par les spécistes, j'ai l'impression. De dire, oui, les végétaux ne souffrent pas, donc alors il ne faut pas manger les carottes, etc. Non, c'est ce que tu peux faire autrement. Étant toi-même animal, tu veux survivre. On est tous pour la protection des animaux. Donc on va aller vers des choses de moins normales, c'est effectivement les végétaux. Puisqu'on n'a pas encore prouvé qu'eux avaient la même capacité de ressentir une souffrance, c'est une question d'échec. Donc en fait, effectivement, c'est défini par nos propres systèmes de valeurs, et par un historique et par les découvertes qu'on a faites. Mais ce que tu as bien conclu tout à l'heure, c'est que bah oui, c'est ce qu'on a à disposition. On n'a pas Dieu pour nous dire ceci, ou permet pour nous apporter des cadeaux qu'on pourrait manger en étant certain de la faire souffrir. Donc c'est petits arrangements entre mains, en fait. En plus, ce que j'entends là, je dirais que l'antispécisme s'y prend un petit peu à l'envers, qui recèle de la projection et de l'humanisation de l'animal. Par exemple, le fait de dire que le chat est un peu supérieur à la souris, ça, on voit bien que le chat nous ressemble plus, il est plus proche, il est plus domestique, ou alors c'est sa capacité de souffrance qui nous semble plus proche de la nôtre. Si on parle de meurtre animal, là encore, on est dans la projection, on est dans l'humanisation, parce que meurtre, donc d'un coup, on donne un nouveau sens au meurtre, effectivement. Je me suis demandé si c'était la cellule nerveuse en tant que transmetteur de douleur, ça. Je me suis demandé si on parlait bien de la même douleur chez l'homme et chez l'animal, ou si on humanisait la douleur de l'animal avec la subtilité qui est dans l'utilisation du terme sentient et sensible. Parce qu'attention, sensible, c'est pas la même chose chez l'être humain que chez l'animal. La sensibilité de l'être humain n'est pas réductible à son matériel neuronal ou hormonal. La sensibilité humaine passe par l'abstraction, ce qui sera le sujet de l'anthropologie, ce qui différenciera l'être humain de son matériel biologique. Donc, de ce point de vue-là, j'ai l'impression qu'on assiste à une projection et une humanisation de l'animal. Je serais pour un spécisme à l'envers, un antispécisme à l'envers, c'est-à-dire on arrête de parler de l'être humain comme d'une espèce, donc on est antispéciste puisqu'on ne qualifie plus l'être humain comme faisant partie du monde biologique. On garde le concept d'espèce pour l'animal, pour la plante, pour les processus biologiques, mais on va chez l'homme observer une originalité qui va faire qu'on va se mettre à parler d'autre chose. Donc, antispécisme, je l'inverserai, je dirais, l'homme n'est plus un animal, il y a quelque chose d'original qui demande des nouvelles armes théoriques et conceptuelles pour l'aborder. Dans ce sens-là, je considère l'antispécisme comme une régression. Sur la critique de l'état de nature, appliquée à la critique du sexisme et du racisme, c'est totalement justifiable. On conteste les critères biologiques qui servent à établir le sexisme, la couleur de la peau ou la morphologie qui servira à établir le racisme. Donc, en contestant ces critères biologiques, on a l'affirmation d'une irréductibilité de l'homme à sa biologie et à son matériel biologique. On dira donc que chez l'homme, avec la théorie du genre, être un homme, c'est-à-dire masculin, ce sera quelque chose de différent d'être un mâle pour l'animal. Donc on différenciera le genre théorique et social, abstrait, d'un matériel génétique et biologique qui fait le mâle hormonal, disons. Le mâle animal qui est mal par son sexe et par ses hormones, quoi. C'est un peu, le chien sent le truc dans l'air. Et donc là, on revient à vous disiez que vous aviez affaire à des sciences en Occident, ou surtout en France, sur la défensive. Je pense que ce qu'on appelle l'anthropologie aujourd'hui sera catégoriquement sur la défensive, parce qu'elle tiendra à trouver son existence dans le détachement d'un discours biologique. Justement, l'anthropologie va se fonder dans le dépassement de ce mâle, de cette femelle, de ce cri animal, de son matériau biologique. L'analyse de la psychologie humaine ne sera pas l'analyse d'une masse de neurones, d'une matérialité, ou d'un comportement instinctif. On va accéder, et il faut bien le réaffirmer, parce qu'on est peut-être dans une période réactionnaire qui tend à retourner à l'état de nature, en fait. Il faut bien affirmer la spécificité anthropologique de l'homme. Et d'ailleurs, qui est en train de parler ici dans cette pièce, qui parle de qui, etc., c'est bien de l'homme qu'il s'agit, quoi. Donc, avec le spécisme, je trouve qu'on dilue ce qui fonde l'antisexisme et l'antiracisme. Avec le spécisme, on va diluer tout ça dans quelque chose qui va des extraterrestres jusqu'à l'éponge, quoi. Désolé, je n'ai pas tout compris. Sinon, c'est pas pour tes traces. Déjà, c'est un peu genre de te répondre un peu direct. Alors, ce que j'en ai compris, c'est que l'homme serait détaché des autres animaux. Bon, déjà, quand je formule la phrase, tu vois, je suis pas complètement d'accord. Je comprends pas sur quoi tu me poses dire ça. Et sinon, dans une manière plus générale, c'est pas juste pour t'enlever une pique, hein, ce que je vous pose comme question, c'est que là, depuis un quart d'heure, on est parti un peu dans des réflexions sur de la classification du vocabulaire et tout ça, c'est super intéressant. Après, c'est aussi, je veux savoir au niveau concret, qu'actuellement, bon, l'oppression sur les animaux, c'est quand même quelque chose qui a été rappelé justement au niveau des IF, quoi. Et qu'on aura beau faire plein de manipulations intellectuelles, cette réalité de l'oppression sur les animaux et sur la nature existe toujours, et se renforce de jour en jour. Et que contre ça, enfin, je ne sais pas qu'est-ce que c'est les arguments qui empêchent, qui refusent justement de s'attaquer à ce problème, en fait. J'ai l'impression qu'il y a un peu cet aspect de le spécisme, l'antispécisme, c'est pas bien, donc en fait je peux manger de la viande, donc c'est pas dit explicitement, etc. La question c'est de savoir, est-ce que oui ou non on est pour que les animaux soient libérés de l'oppression des humains? Est-ce que oui ou non on est pour aussi que l'humain arrête de presser les autres êtres vivants de la nature ou de je ne sais pas quelle entité après pour utiliser est-ce qu'on arrête la domination, en fait, cette logique de domination de l'espèce humaine sur les autres habitants de la planète, quoi. Voilà. Je pense qu'il faut se méfier toujours en tant que dominant du regard qu'on porte sur les dominés. Et la vision qu'il y a dans notre société des autres animaux, c'est une vision, je pense, qui est tout aussi fausse que la vision des femmes qui prévalait il y a encore 60 ans, ou que la vision des indigènes d'hiver qui prévalait avant la décolonisation. Et ça vaut le coup de lire des psychologues, mais même maintenant, malheureusement d'ailleurs, mais des discours de psychologues sur les Noirs, sur les Arabes, sur les femmes, il y a quelques décennies. Maintenant, on a tendance à se tenir les côtes de rire, mais malheureusement, c'était assez dramatique, parce que ça légitimait une exploitation sanguinaire ou une domination extrêmement oppressive. Par rapport aux animaux, à l'heure actuelle, toute l'ancienne vision humaniste du monde est en train de s'écrouler. De fait, il y a, depuis plus de 2000 ans, il y a des discours sur les animaux qui sont des discours super assurés sur le fait qu'ils ne sont pas ci, ils ne sont pas ça, ils sont incapables de ceci, tout ça. C'est des sortes d'infirmes généralisées par des gens qui ne se sont jamais vraiment souciés de les observer. C'est-à-dire qu'on a été sur la Lune avant même de s'intéresser à tous ces mondes qui coexistent avec nous et qui... ces myriades de mondes qui nous entourent, quoi. Et là, on a, depuis une vingtaine d'années, l'explosion de nouvelles recherches, ce qu'on appelle notamment l'éthologie cognitive, recherche sur les comportements des animaux, sur qui est dans une différence d'approche par rapport à avant, où avant, il y avait des types d'approches qui niaient d'emblée toute subjectivité aux animaux, ou qui d'emblée, méthodologiquement, mettaient toute question de subjectivité de côté. Et là maintenant, l'éthologie cognitive, elle fait des pas. Depuis que les éthologues ont décidé de considérer qu'on ne pouvait pas comprendre les comportements des animaux sans faire intervenir des notions de motivation, de désir, de choix, de réflexion, etc. Depuis que qu'il y a ce parti pris dans la recherche a explosé et dans tous les domaines. Et on s'aperçoit qu'en fait, ce que les gens qui vivent avec des animaux savaient depuis toujours, mais qui était nié par les recherches scientifiques et par les philosophes depuis longtemps, que les animaux ne sont pas ces êtres d'instinct que tu décris, réduits à une sorte de biologie qui serait exclusive ou qui serait différente des capacités mentales, mais qu'ils apprennent, ils changent, ils évoluent, ils font des choix, ils évaluent. Ils font parfois des choix au péril de leur vie. Qu'il n'y a pratiquement pas un domaine de l'existence humaine qu'on ne retrouve pas sous une forme ou sous une autre, chez d'autres animaux, quoi. Je ne sais pas que dire. Il y a des descriptions qui ont été faites des comportements des éléphants vis-à-vis de leurs morts, des morts de leurs proches. Comment des années et des années ensuite, ils continuent d'aller voir l'endroit où ils sont morts, ou comment ils ont recouvert les corps de branchages. Il y a des éthologues qui ont rapporté qu'il y a des animaux... Alors, ce que j'ai lu, c'était des ours d'un côté et des singes de l'autre, qui vont à des endroits spécifiques pour admirer le coucher de soleil. Des trucs comme ça, on peut en citer des milliers et des cents. C'est-à-dire que cette vision des animaux comme étant séparés de nous par un fossé infranchissable, par un abîme, c'est une vision qui à l'heure actuelle n'est tenable qu'en ignorant la somme de travaux qui sont faits depuis une vingtaine d'années, quoi. Il ne s'agit pas de parler d'abîme, mais de reconnaître une spécificité anthropologique. Là où votre démarche tendrait peut-être à la... Reconnaître une spécificité anthropologique, c'est ce que vous observez dans les cimetières d'éléphants ou dans l'observation de la lune par certains animaux. C'est ce genre de choses, effectivement, qui constituent l'humain. L'abstraction des conditions de vie. Mais après, vos exemples sont... Enfin, je considère ça comme des exemples limites. C'est-à-dire, ça pourrait être bien, ça pourrait être pas. Je sais pas. Oui, il y a un truc qui me frappe dans ce que tu dis. C'est... je sais pas si quels sont tes fondements... au niveau des idées, mais si tu dis l'être humain est quelque chose de... que la pensée humaine ou que notre conscience est quelque chose qui n'est pas simplement... qui ne résulte pas simplement des neurones, ça résulte de quoi de notre connexion avec un monde des choses en soi, avec notre âme, avec... Donc, je veux dire, si tu me dis que tu penses qu'il y a un monde à côté qui n'a... La psychanalyse, quoi. Oui, non, mais la, psy, psychanalyse, elle n'est pas incompatible avec l'idée que ce sont des ensembles neuronaux. Puis, moi, je pense qu'il y a des choses qui sont très difficiles à expliquer avec la physique actuelle. Et en même temps, moi, je suis convaincu que la physique, enfin, que nous sommes des êtres physiques et que nous ne sommes rien de plus que des êtres physiques. Enfin, je ne vois pas ce qu'on pourrait être de plus. Si tu me dis que tu crois en Dieu, en l'âme et tout ça, ben, tu crois, mais je veux dire, tu ne peux pas non plus te réclamer de la science anthropologique actuelle, qui théoriquement est censée être scientifique et sans référence à une religion. Je veux dire, on est des êtres de matière, on est des êtres des êtres biologiques à 100%, quoi, parce qu'il y a de plus. Bien sûr, on est à 100%. Mais par exemple, et d'autre part, je te rappelle, en termes d'arbitre, notre langage n'est pas une somme de sons. Notre langage passe par l'abstraction, passe par des connexions matérielles. Ok, on passe par le son. Et l'absence aussi, le sens, lui, n'est pas matériel. C'est ça que je dis quand je dis que il est pas matériel, notre pensée n'est pas réductible à la matérialité de nos neurones et de notre appartenance biologique. Il n'est pas contestable. Par contre, ce qui fait l'être humain, ça va être le dépassement d'un matériel biologique vers quelque chose qu'on appelle l'abstraction. Ça va être sur la question du désir. Ce qui va différencier le désir humain de ce que vous appelez le désir animal, ça va être la mise en abstraction de l'objet du désir. On ne se comporte pas comme des animaux parce que on a l'objet de notre désir, donc le passage par la frustration, le passage par l'acte manqué, par Lacan décrivait ça, un objet que tu as avec une flèche qui tourne autour. Le désir humain est inaccessible parce qu'il est abstrait. Il est pas. Par contre, la jouissance est accessible à l'animal, voire au nourrisson qui a pris sa tête. Effectivement. Mais je pense que ce qui se dit, en fait, c'est pas parce que tu vas prendre en compte les intérêts des animaux que tu vas perdre ton inspiration. Donc, en soi, c'est pas la question. Je pense aussi que c'est simplement faux. François, est-ce que tu as des preuves que les animaux n'ont pas l'abstraction ? Ils n'ont pas ce genre de conception. C'est tout simplement qu'on ne peut pas communiquer sur l'égalité et donc on ne peut pas le savoir. Parce qu'il y a notamment des études qui sont en sortie assez récemment qui montrent que les oiseaux ont un langage aussi complexe que le nôtre et que ce qui est comprend pour simplement un chant, non, c'est une communication. C'est une communication qui n'est pas non seulement est propre à certaines espèces d'oiseaux, mais en plus que tu prends la même espèce d'oiseau en fonction de leur région, ils ne vont pas forcément se comprendre entre eux. Parce que c'est un langage qui est culturel, qui transmet de génération, de parent à enfant. Et s'ils n'ont pas été élevés dedans, ils ne vont pas le comprendre de la même façon que nous, on a des langues différentes. Est-ce que... Enfin, je sais que moi, par exemple, la question d'une spécificité humaine, c'est une question qui ne présente pas particulièrement d'intérêt. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je pense que ce qui compte, c'est pas, par exemple, la capacité d'abstraction, ou la rationalité, ou des trucs comme ça, au niveau moral, que c'est pas le critère pertinent, mais que le critère pertinent, c'est simplement le fait de posséder des intérêts, pour voir ses intérêts défendus. Ensuite, ben, du coup, je me désintéresse de la question d'une spécificité humaine. C'est une question qui peut m'intéresser par ailleurs, mais qui a perdu une grande partie de son enjeu. Si c'est pas pour mépriser les autres et pour dominer, la question de la spécificité humaine ou de ma spécificité personnelle, par exemple, pour prendre un autre cas que la spécificité humaine, c'est pas une question qui a beaucoup d'enjeux. Je veux dire, je me pose pas chaque matin la question de moi, en quoi je diffère des autres, par exemple. Parce que j'ai pas envie d'être dans un rapport de valorisation, par exemple, de moi-même, ou de dévalorisation des autres. Et en soi, ça peut être une sorte de question comme ça, un peu... Ouais, un peu... Ah oui, tiens, je me demande quelle est la spécificité humaine. Mais je crois pas que ce soit ça. Enfin, je pense que c'est une question où il y a beaucoup d'enjeux pour toi. Disons que cette question est issue d'un déroulement historique elle est liée à l'apparition de l'anthropologie qui a vu, du fait de son objet qui est abstrait, se détacher de la biologie. Il a fallu marquer une rupture. Et c'est pour ça qu'on va mettre en avant la spécificité humaine, dont, que ce soit de par son langage, sa technique, l'objet abstrait de sa morale, ou alors on arrêtera de parler d'individu pour la carte, pour, sur le côté social, on arrête de parler d'individu pour la, qui est référent à la vérité, on parlera d'une personne, une personne très sous relation, une personne abstraite, une personne humaine. Qui peuvent être présentes et d'être absentes en même temps. Et là-dessus, je suis peut-être pas. Mais en tout cas, c'est donc cette spécificité humaine, elle était nécessaire à mettre en avant, fait l'anthropologie, et ne pas laisser le champ du discours sur l'humain aux biologistes, qui eux font la dissection du cerveau, qui eux. Peuvent faire ce qu'on appelle du comportemental, proche de l'éthologie, vous parliez tout à l'heure. Mais l'éthologie, de la même façon. Cette anthropologie, parce qu'on n'allait pas laisser le discours sur l'homme aux biologistes. Il a fallu fonder cette anthropologie, on ne pouvait pas laisser le discours sur l'homme aux biologistes. Et même historiquement, la biologie a elle-même dû se sortir de la physique. Et ça, c'était quelques siècles auparavant. Donc, ça me semble un faux débat. Je veux dire, à l'heure actuelle, la psychologie animale, c'est une autre façon de voir les animaux. Que... Parce que la pensée, c'est pas, on est tous d'accord, non, c'est, la pensée, c'est, on a des désaccords, historiquement, il y a des nouvelles disciplines qui émergent. Exemple, l'anthropologie. Et il faut bien des arguments qui font qu'on n'applique pas, par exemple, l'anthropologie, c'est pas aux animaux. Parce qu'en fait, là, si tu l'as dit, pourquoi le savoir être savant en distinction entre l'un et l'autre, c'est parce que là, le débat d'aujourd'hui, c'était peut-être de dire qu'il n'y en a aucune. Et effectivement, je pense que là, moi, quand je parlais de l'exemple entre le bébé de chasse et par rapport à la culture des animaux, etc., c'était pour dire que je pense que vraiment, mon point de vue, c'est qu'il y a quand même une distinction. Peut-être machin qui est peut-être pas bon, etc. Après, ça c'est une question morale, mais que ça ne veut pas dire, même si on fait cette distinction-là, donc on n'est pas antispéciste, qu'on veut éradiquer tous les animaux, parce que la question du traitement de la santé des animaux se pose pas. Mais en fait, moi ce qui m'embête un peu dans cette façon de présenter le système, c'est que c'est le côté de dire pour traiter bien les animaux, il ne faut faire aucune distinction entre l'humain et l'animal. Ou alors je l'ai mal compris. Oui, parce que je n'ai jamais dit ça en fait. Quand je donnais cet exemple un peu extrême de l'incendie, c'est-à-dire que même effectivement, je suis à ce côté-là, mais ce qui ne veut pas dire que. On peut faire cette distinction-là sans être dans on va tous les tuer, etc. Mm-hmm. Non, mais ok. Ouais. Mais alors. Par contre, moi, effectivement, j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas des distinctions à faire entre les humains et les autres animaux, ou entre, enfin, des distinctions de façon générale, je trouve que c'est très utile d'en faire dans tous les sens. Ce que je dis simplement, c'est que il n'y a pas que les distinctions qui peuvent exister entre humains et animaux. Déjà, bon, elles sont pas si nettes qu'on l'affirmait, et qu'il y a un continuum, etc. Mais surtout que elles n'autorisent pas, d'un point de vue moral, une différenciation au niveau du traitement. C'est-à-dire qu'elles ne constituent pas des critères pertinents à discrimination. C'est ça, moi, ce que je dis. Mais j'ai jamais affirmé qu'il n'y avait pas de distinction à faire. Enfin, moi, par exemple, j'en fais une qui ne vaut pas pour toute l'humanité. Je veux dire, je parlais des cas marginaux et tout ça. Mais par exemple, une qui est très importante, c'est que les humains, non seulement sont ce qu'on appelle en philosophie morale des patients moraux, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte leurs intérêts, mais ils sont aussi des agents moraux, c'est-à-dire que ce sont des acteurs moraux qui peuvent avoir une réflexion morale et en tirer des conséquences pratiques. Ben ça, par exemple, c'est une distinction que je trouve très importante. Parce qu'on n'aurait pas cette discussion-là la discussion qu'on a là, je ne peux pas l'avoir avec un lion. Et donc c'est une distinction que je trouve très importante, mais j'en tire pas de conclusion ça n'en fait pas un critère qui nous donnerait des droits moraux supérieurs. Voilà, cette histoire d'agentivité morale. J'en ai deux réflexions sur ce que disait monsieur. Pour moi, la première, c'est le mythe de la caverne de Platon. Il y a une sorte d'égo surdimensionné de l'humain, en fait, à se dire que grâce à la science, nous progressons. Et en fait, nous percevons le fait de progresser comme un progrès déjà terminé. Et lorsque par exemple, vous parliez de savoir si vous pourriez discuter avec un autre animal, quelque part, pour moi, c'est parce que, comme je disais tout à l'heure par rapport aux oiseaux, nous ne sommes pas les seuls. Pendant longtemps, on a pensé que nous étions les seuls doués de langage, les seuls doués d'abstraction, les seuls doués de compassion, ce qui est faux, ce que maintenant on arrive à savoir que c'est faux. Et pourquoi nos erreurs du passé seraient toutes terminées? Je pense que c'est faux. Je pense que les autres espèces animales, et peut-être même les plantes, ont aussi leur langage, mais peut-être pas les mêmes préoccupations. Alors, on ne va peut-être pas parler avec un lion de nos états mourants, etc., mais à l'inverse, ça c'est une vision centrée sur l'humain. Mais une vision centrée sur le lion, de son côté, va dire, mais pourquoi l'humain, il se fracasse la tête, à savoir des trucs, je ne sais pas s'il est né par un tel, mais par autre chose. Donc, pour moi, la première chose, c'est que par rapport au monde de la caverne, nos réflexions sont limitées par un état de connaissances scientifiques actuelles. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense qu'on nous dit souvent que, en fait, on confond réalité, vous parlez de réalité et perception de la réalité. Et c'est pas la même chose, la réalité et la perception de la réalité. C'est-à-dire que, vous parlez, monsieur parlait d'anthropologie, etc., de Lacan et d'autres philosophes, d'anthropologie, et je pense que ce sont nos approches du réel, et qui, bizarrement, même en restant dans l'humain, ne sont pas les mêmes chez les philosophes asiatiques, ne sont pas les mêmes chez les philosophes nord-africains. Et enfin, la dernière chose, lorsque je parle d'organisme avec mes amis, carnassier à 100%, je leur dis, alors je ne sais pas si vous croyez que ça intéresse ou pas, mais disons que statistiquement, moi je pense que statistiquement, nous ne sommes pas les seuls dans l'univers. Imaginons que les extraterrestres arrivent demain et que ce soit des poules ou des vaches. Et je trouve cette expérience de pensée assez intéressante pour savoir sur si la spécificité humaine justifie quelque chose ou pas. Et je pense que ça serait extrêmement salvateur. Et maintenant que, en fait, d'après ce que je sais, c'est pris de plus en plus sérieusement, par exemple à l'IHEDN, inspiré aux études de la défense nationale. Je pense que ça serait extrêmement profitable en fait à nos perceptions et notre relation par rapport aux autres êtres vivants si justement nous rencontrions notre espèce et si par hasard en plus ça ressemblait à une vache, ça serait parfait. Moi j'essaierais bien de reprendre la discussion sur le thème de cette soirée qui est la question animale, une question politique. Moi, ma vision de la question animale, c'est vraiment une domination qui traverse toute la société, qui structure toute la société, comme les dominations raciales et les dominations sexistes et agistes et d'autres sont transversales à toute la société et la structure profondément, et que c'est des systèmes qui sont des systèmes sociaux concrets, matériels, d'exploitation et d'oppression, et sont aussi des systèmes idéologiques qui s'ancrent en chacun de nous, notamment à des niveaux identitaires, symboliques, et qui font que je pense que c'est vraiment une lutte de longue haleine et c'est une lutte qui porte sur les fondements mêmes de nos sociétés qui est amenée par rapport à la question animale. Et c'est une lutte dont les enjeux sont énormes, bon, et bien ce que je disais par rapport aux animaux, mais aussi pour nous. Par exemple, à l'heure actuelle, je pense qu'on est très profondément défini en tant qu'humain. C'est-à-dire qu'on se perçoit, nous, chaque individu, on se perçoit comme ayant une valeur en tant qu'humain, comme ayant une sorte de droit à l'existence en tant qu'humain, c'est-à-dire par contraste avec les autres animaux, que la valeur qu'on se donne en tant qu'humain, elle n'est si grande que parce qu'elle fait contraste avec la non-valeur absolue que notre société accorde, enfin je sais pas, c'est pas le terme, mais bon, admettons, accorde aux autres animaux, et qu'il y a là un enjeu pour nous, individuellement, qui est très fort, et qui fait que par exemple la consommation de viande est quelque chose d'aussi ancré et auquel les gens tiennent de façon aussi forcenée, parce que je pense que la consommation de viande, c'est une façon de se dire quotidiennement, plusieurs fois par jour, collectivement, que nous on a de la valeur en tant qu'humain, tandis que les autres n'en ont pas. Justement, enfin, on se perçoit en tant qu'humain comme étant des esprits libres, des cerveaux d'une façon qui habitent un corps, et les animaux, qui sont des êtres sensibles qui tiennent à leur vie, etc., on les réduit en pure matière, et cette pure matière, on la fait trôner au centre de nos repas, et c'est comme si c'était un discours qu'on adressait, une sorte de discours inconscient, et qui des fois affleure à la conscience, qu'on s'adressait à nous-mêmes, et qui est, tu vois, toi, tu as de la valeur, toi, tu comptes pour quelque chose, et cette valeur, elle est matérialisée par l'absence totale de valeur qu'a l'animal, qui se trouve face à toi dans le plat, et cette absence totale de valeur, ce qui la représente, c'est l'absence totale de considération qu'on lui a donnée, comme si cette absence totale de considération, elle était la preuve de sa non-valeur, quoi. Je sais pas si je m'exprime bien. Et que du coup, la viande, la consommation de viande, c'est un symbole de domination extrêmement fort et qui est central dans notre constitution, enfin dans notre propre identité et dans la valeur qu'on se donne à nous-mêmes, quoi. Un peu de la même façon, en fait, que pour voilà, que le sexisme pour les hommes, c'est quelque chose de fort parce que ça nous constitue en être valorisé. Et que d'une certaine façon, les traitements dégradants vis-à-vis des femmes sont une mise en pratique concrète de ces, mais je veux dire, nous prouve, enfin joue un rôle de valorisation de nous en tant qu'hommes. Et je pense que c'est le même mécanisme qui joue avec la consommation de viande, etc., quoi. Et que du coup, cette révolution que moi j'appelle de mes voeux, cette révolution égalitariste, c'est une révolution qui se heurte à des résistances extrêmement fortes, et qui sont des résistances, je pense, très profondément sociales, mais qui sont très profondément ancrées en chacun d'entre nous. Bah, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous là qui sont végétariens dans la salle, et quand on est végétarien, du fait même qu'on est végétarien, on se heurte à une sorte de répression sociale qui est continuelle, qui est constante, une sorte de bombardement, je veux dire des moqueries, enfin, dans les meilleurs des cas, c'est de la moquerie, mais ensuite c'est très facilement du déni, du dénigrement, ça peut être des violences psychologiques, ça peut être des violences même physiques, c'est de l'exclusion, etc., etc. Et c'est quelque chose auquel on se heurte en permanence, et qui n'est pas le fruit d'une sorte de volonté globale. Je veux dire, les gens ne se sont pas mis ensemble à réfléchir, tiens, les végétariens nous font chier, comment on va réagir pour faire en sorte qu'ils prennent pas trop de place, pour leur intimer de se taire, de se faire tout petit, pour délégitimer leur discours. Ils ne sont pas mis d'accord pour ça, c'est simplement que spontanément, je pense qu'on attaque, enfin, que c'est l'identité de chacun d'entre nous qui est attaquée par... sur cette question animale, quoi. Et que chacun donc réagit spontanément d'une façon qui fait système, en fait, et qui fait système répressif sur cette question-là, quoi. Donc, pour la question de la végéphobie, je ne sais pas trop quoi en penser, donc après, je n'en dirai pas grand-chose. Merci. C'est une question qui est un peu compliquée, en fait, où... de là faire système, etc. Je sais pas. Enfin, c'est moi ce que je dis, c'est que en fait au niveau des gens lambda entre guillemets, qui c'est que bon, on est tous spécistes, comment dire, au moins par son comportement, sinon si on essaie de pas l'être, quoi, puisque la société en elle-même est spéciste, donc forcément on a plein de spécistes. Et donc peut-être justement ce que t'appelais la, quand tu parlais d'autres aussi, donc la végétophobie, quoi. C'est donc une sorte de réaction de défense, on va dire. contre un ouais, de conservation de privilèges. Aujourd'hui, c'est par contre aussi, c'est qu'il y a, on va dire, malgré ce spécisme ambiant, il y a quand même une question de compassion animale qui est quand même assez fort comme sentiment populaire. Où bon, il y a beaucoup d'associations qui vont défendre des chats, des pigeons, des hérissons, enfin c'est des exemples sur lesquels j'ai vu récemment, ou d'autres animaux aussi, sans forcément qu'ils soient vegan. Et justement, c'est sauf qu'en fait, cette compassion elle se heurte justement à une dissociation en fait qui fait que bah, d'un côté, bon, la fameuse exemple, on va caresser son chien, manger son cochon, enfin son cochon entre guillemets, son chien entre guillemets aussi, parce que c'est les animaux ne devraient pas être considérés comme propriété. Du coup, je vais en venir avec ça, je me perds dans mes pensées, je suis désolé. Ce spécisme ambiant aussi, enfin, je dirais là, à être donc évolué en fait, quoi, en fait, entre donc, enfin, d'un côté, cette idéologie donc, spéciste, carniste, etc., qui colonise un peu nos pensées, nos actes, et aussi, bon, bah, la compassion pour les animaux, le respect qu'on pense en avoir, même si quand. On mange, comment dire, de la chair animale, ou qu'on boit du lait issu de l'exploitation des vaches, ou manger des œufs de l'exploitation de poules, là-dessus, on ne respecte juste pas la volonté, les intérêts propres des poules qui ont été exploitées, des vaches qui ont été exploitées. Donc en fait, la question du véganisme, pour moi, en fait, voilà, j'arrive à trouver la confusion à laquelle je voulais arriver, c'est vraiment en fait un point essentiel. C'est vraiment un point fondamental qui n'est pas suffisant d'ailleurs, mais qui est, comment dire, le début de. Je crois qu'il y a un groupe de femmes qui s'appelle Nouvelle Éthique en Argentine qui sont en Vegan Strategy et voilà, qui se laissent une voie, qu'on va dire, à creuser éventuellement. Du côté de l'Amérique latine, il y a beaucoup de trucs intéressants qui se font. Je vous invite à regarder dans ce sens. Voilà. Je pense qu'il y a une progression historique qui se fait et que le spécisme, c'est-à-dire la mise en valeur de l'humanisme, la mise en valeur de l'humain s'est faite aussi par la lutte contre l'esclavage, c'est-à-dire que au départ il y a eu une élite, il y avait les citoyens d'Athènes qui avaient tous les droits, il y avait tous les esclaves, tous les barbares qui étaient rachetés, les femmes, et au fur et à mesure cette élite en fait s'est agrandie par des luttes, donc il y a eu contre l'esclavage, les luttes pour le droit des femmes, les luttes antiracistes, et je pense que c'est une progression logique de l'histoire qui met du temps mais qui avance et qui est un peu contradictoire, c'est-à-dire que tout le monde veut lutter pour les droits des hommes pour tous et c'est une lutte pour laquelle on est encore aujourd'hui obligé de lutter et qui a du coup ce double tranchant qui met en valeur l'humain en fait et peut-être que il faut laisser le temps en fait que cette question de l'homme d'une manière générale soit réglée avant de passer à la question animale. Moi, je veux pas dire qu'il faut oublier la question animale, c'est pas du tout ça. Je pense que c'est quelque chose qui va venir et avec le temps la question de l'homme va se régler et la question de l'animal va venir derrière. Je ne suis pas sûr que les questions intra-humaines vont se régler. Moi, j'ai plutôt l'impression là qu'on est au seuil d'une ère de régression vraiment dramatique. Et je pense qu'heureusement, par exemple, que les féministes n'ont pas suivi ce type de conseil. C'est pas un conseil. C'est pas, je dis pas. Non, non, mais je. Non, non, mais enfin, oui, ouais. Enfin, je voulais pas être négatif ou méprisant par rapport à ce que tu dis. Je pense vraiment qu'il n'y a pas un progrès automatique, quoi, et que ce sont les luttes qui. Ah, bien sûr. Ouais. Même s'il peut y avoir des tendances des fois sur lesquelles s'appuyer. Mais... Et en plus, là, j'ai vraiment l'impression qu'on est au seuil de quelque chose de dramatique, quoi. Je vais pour les questions humaines, quoi. Parce que là, si ce que tu dis finalement, c'est qu'il y a des luttes plus importantes que d'autres, quoi. Alors que les luttes contre toutes les dominations sont liées, quoi, finalement. Là, je suis d'accord, oui. C'est une chronologie en fait, c'est-à-dire que tu peux pas. Parce que, non mais c'est un constat, c'est que si tu veux, aujourd'hui, l'ONU va pas signer un accord pour les poules si elle signe pas un accord pour les hommes, quoi. C'est une espèce de progression logique à laquelle l'homme va pas pouvoir échapper, c'est qu'il va pas accorder plus de droits. À un animal avant d'accorder l'égalité entre les hommes. C'est, Alors, je pense pas que ça, qu'on arrivera à... Ouais, mais ça revient à dire, si l'ONU ne fait pas un truc pour réguler le capitalisme financier, il fera rien sur les droits des femmes. Alors, non, ça me paraît pas très cohérent. Marie avait eu une réflexion sur un stand que j'avais trouvé intéressant. Elle avait rétorqué à quelqu'un qui faisait justement une priorisation là, pour le coup des luttes. Et justement, il s'agirait peut-être de commencer par les plus opprimés, par les plus fragiles, par les plus asservis, les plus exploités. Parce que c'est là que ça donnerait une impulsion positive pour aller vers ce qui est plus facile en fait, à obtenir. J'aimais bien ce. Oui, je parle. Donc le problème c'est que là on doit choisir entre les plus opprimés. Et je pense que les femmes sont opprimées, les ouvriers sont opprimés, les animaux sont opprimés. Donc tu ne peux pas faire du choix. Non, et puis de toute façon ça a des répercussions favorables à partir du moment où tu as satisfaction sur une lutte, sur une cause qui semble juste, ça ne peut que à mon sens. Contaminer de façon bénéfique les autres domaines. C'est peut-être pas sûr. Par exemple, on peut obtenir satisfaction, par exemple, sur le nucléaire, et finalement être toujours dans un monde capitaliste, dur avec les pauvres, avec les animaux, etc. Oui, absolument. Mais ça participe, ça aura du même effort vers un mieux-être général et global. Et je dis ça de façon pas utopiste, hein, peut-être idéaliste, mais pas utopiste. J'ai entendu beaucoup de gens parler de végétalisme, assez peu de véganisme, mais il y a quelque chose, j'ai fait des stands d'infos, par exemple, contre la vivisection, pour la libération animale, et des fois ça m'est arrivé de me retrouver sur des marchés à côté de Alliance Végétarienne, par exemple, et qui disait clairement qu'en fait on ne pouvait pas être végétalien, ça n'existait pas, que ça n'était pas naturel, enfin biologiquement ça n'existait pas. Et du coup, si on voulait être végétalien, on est obligé de prendre des compléments alimentaires, c'est-à-dire des molécules de synthèse pour pouvoir avoir une alimentation équilibrée, etc. Donc moi, je tiens à dire qu'en fait, je suis végétalien depuis plusieurs années, parce qu'il y a des gens qui sont végétariens depuis des années encore plus, quoi. Et que au niveau de la santé, enfin, je veux dire, ça va, comment ça va, je veux dire, c'est pas... ça le fait, quoi. Et de la même manière, contre la vivisection, en fait, enfin... au-delà du discours philosophique qui est super important, il y a aussi les questions concrètes en fait, que les gens se posent. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles, de diverses manières évidemment, mais à la cause animale, qui voient la vivisection, qui se disent que c'est tout à fait ignoble et qu'il y a moyen de faire autrement, et qui se posent la question de la possibilité, au moins si il y a moyen de faire autrement. Et je trouve que c'est aussi assez important en fait de donner des possibilités, enfin disons des axes de réflexion, des solutions, etc. Quoi. Et que moi je pense que le discours d'alliance végétarienne, par exemple, il est super grave. Quoi. Moi, du coup, je me retrouve devant des gens qui ne croient pas carrément que je suis végétalienne depuis 8 ans. Enfin, c'est complètement fou, quoi. Et la vivisection, en fait, on ne peut pas faire autrement. Ou... Enfin, il y a des choses quand même assez graves. Et si on peut faire autrement, il y a des outils de substitution par rapport à la recherche. On n'est pas obligé d'utiliser la chimie pour guérir de la chimie, quoi. Il y a aussi des remèdes de plantes qui ne sont pas douces, qui sont des techniques... qui sont fortes, qui guérissent de maladies graves, quoi. Enfin, c'est un autre problème, en fait. Enfin, c'est pas grave. Moi, c'était pas volontaire de ne pas engager de discussion autour du végétarisme. Et... Je considère ça comme une question technique et puis une question un peu personnelle. C'est des renseignements qu'on peut trouver de ci, de là. Et c'est autre chose que... d'une façon que la question politique. On a trop tendance à réduire la question animale à une question de bouffe, d'une certaine façon. C'est un peu un problème. C'est un hasard que ce soit une question de bouffe. Dans ce cas-là, comment on commande pas m'embêler ? Parce que j'ai plusieurs trucs à dire. Il y a aussi le problème qu'on vit dans une société qui est tellement spéciste que commencer à parler des solutions concrètes, c'est une sorte de porte de sortie pour les gens pour zapper la question morale, la question du spécisme, la remise en question en fait du spécisme, et s'engouffrer sur des trucs pratiques. Pour la vivisection, moi, il me semble que le discours disant qu'il y a à prendre en compte les intérêts des animaux au même titre que les nôtres propres, c'est un discours qui est suffisant pour condamner, la totalité de la recherche qui est effectuée sur les animaux, indépendamment de l'existence ou non d'alternatives. Et que dire ça, c'est une position très forte dont je ne suis pas sûr qu'elle soit moins entendable que si on dit la vivisection, il faut absolument l'abolir et tout ça. Et en plus, il y a des alternatives, ce qui laisse entendre que s'il n'y avait pas des alternatives, alors l'abolition ne s'imposerait pas nécessairement. Et par rapport au végétarisme, mon expérience, c'est que... Enfin, moi, je ne parle jamais de recettes, ou alors c'est vraiment au détour d'une phrase, je vais dire, mais en fait, il n'y a pas de problème. Mais je pense que les gens focalisent sur les détails pratiques, très souvent de façon qui n'est pas honnête. C'est une façon pour eux d'éviter le discours qu'ils ne veulent pas entendre, quoi. Et par ailleurs, je pense que d'un point de vue politique, ça vaut vraiment le coup qu'on mette l'accent non plus tant sur la promotion du végétarisme et du végétalisme, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, mais l'accent sur la revendication d'abolition de la viande. C'est-à-dire non plus un militantisme qui part, où ce sont des individus qui s'adressent à d'autres individus pour leur demander de réfléchir individuellement en fonction des arguments ou des informations qu'on peut donner, et de prendre une décision individuelle en leur fort intérieur. Est-ce qu'ils vont continuer de faire tuer et faire souffrir ou non ? Qui n'empêche pas que ça puisse être important de le faire, mais je veux dire, je pense que ça vaut le coup de passer à une vitesse supérieure à ce niveau-là et de s'adresser à la société tout entière en exigeant un débat, c'est-à-dire en imposant, parce que l'exiger, ça sert à rien tant qu'on n'a pas la force pour l'imposer, face à une société qui s'y refuse, en exigeant, en imposant un débat sur la légitimité de la consommation de viande, la légitimité de l'exploitation animale. C'est-à-dire passer sur un mode de rapport politique, c'est-à-dire on ne s'adresse plus aux individus les uns aux autres, en appelant d'une certaine façon à leur vertu, mais s'adresser à la société tout entière en appelant à une réflexion en termes de justice, d'égalité, en posant la question animale comme une question politique, quoi, et pas une question que des individus peuvent résoudre en leur fort intérieur au gré de leur arbitraire du moment, quoi. Par rapport au point de vue du Didi, en fait, c'est-à-dire poser plus la question en termes moraux que pratiques. J'ai bien compris. Pour moi, justement, le véganisme, j'insiste bien sur le mot véganisme et pas végétarisme, c'est une action concrète qui va dans le sens de la libération animale. Du fait, en fait, où déjà elle pose le débat. En fait, c'est pas juste un truc pratique qui se fait en individuel. Pour moi, c'est pareil, la conversion d'individus, c'est pas du tout mon délire. Et c'est vraiment en fait poser le terme en termes collectifs. C'est par exemple, je prends un exemple très concret. C'est dans le cadre, par exemple, de tantines populaires qui doivent se faire dans différents collectifs. Où en fait, les luttes de récup sont organisées. C'est le véganisme et quelque chose qui se développe en France actuellement. Enfin, comme c'est le cas historiquement aux États-Unis avec les collectifs de Bones, par exemple. Il se trouve qu'en France, en fait, aux États-Unis, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, à 80%, enfin, j'ai pas fait des statistiques, mais je pense ne pas dire qu'on est des débats, c'est qu'en fait, la question des animaux est intégrée quand même dans cette démarche-là du food of bone. En France, c'est pas vraiment le cas. Et justement, enfin, moi, je trouve que la question, enfin, des activistes pour la libération animale, je pense qu'il y a un grand intérêt, il y a un point crucial, justement, à imposer. La pratique du véganisme dans ce type de bouffe collective, par exemple. Quoi. C'est un point précis sur lequel ça me travaille. Je pense que ce cas, c'est reconnaître la légitimité du véganisme dans les luttes sociales. Et pour le terme du débat aussi, c'est tu disais l'abolition de la viande, sauf que là où je vois une limite, en fait, toute modestie, hein, je peux me tromper, hein, mais c'est que, en fait, le véganisme et la libération animale, je ne vois pas la possibilité que dans le cadre de la société actuelle capitaliste, basée sur une logique de domination, aussi envers les différents groupes humains, que la question d'abolir la question de domination des animaux, elle n'a juste pas sa place. On parle de bien-être animal. Et bien-être animal, entre gros guillemets, parce que c'est une façon d'optimiser l'industrie de l'exploitation des animaux. Quoi. Pour moi, ce débat, il faut qu'il ait lieu, mais qu'il faut lier dans une société réellement égalitaire et réellement... je veux dire, c'est que dans la société dans laquelle on vit, bien sûr, après, il y a des gens qui peuvent essayer d'aller au Parlement, par exemple, et essayer de convaincre les députés d'éventuellement s'intéresser à la question. Après, en conséquence concrète, je ne suis pas sûr que ce soit forcément la bonne méthode. Après, je peux me tromper, quand même. En gros, tu voudrais peut-être un peu l'utopie tout de suite, quoi, pour tout, quoi. Non, c'est pas l'utopie tout de suite, c'est commencer dès maintenant, en fait. Concrètement, c'est que les gens prennent en charge collectivement, c'est pas bien individuellement, la question. Au sein des. Par exemple, quand je vois la question des gens impliqués dans la cause animale en France, bon, déjà, il y a beaucoup de divisions, d'orientations politiques qui sont différentes. Enfin, moi, la position que je défends, c'est pas en tant qu'individu, hein, c'est pas moi qui ai trouvé ça du ciel, hein, c'est ce qui est défendu, enfin, la position que je trouve vraiment intéressante, c'est celle de la libération animale et de l'antispécisme qui associe aussi des positions claires au niveau politique. Dans laquelle les antispécistes, je pense, sont aussi affichés dedans. C'est refuser, en fait, une perméabilité à des logiques capitalistes, à des logiques de domination aussi sur certains groupes d'individus, etc. En fait, c'est pas tout de suite, en tout cas, c'est commencer à faire tout ce qu'on peut dès maintenant, ça c'est sûr, par contre. Après, les choses, il n'y en aura pas tout de suite, mais je pense pas qu'il faut commencer à se mettre des bâtons dans les roues en disant. Les gens, en fait, ils ne pourront pas comprendre que ce véganisme est quelque chose d'essentiel pour les animaux et qu'on va plutôt travestir ça en végétarisme, en flexitarisme, ou en juste aquarisme, parce qu'en fait, les gens sont trop cons, c'est une expression, pour comprendre ça. Non, enfin, je pense que si quelqu'un aime vraiment les animaux, il les aime vraiment, et je pense qu'il est à même de comprendre, mais ça prend du temps. Enfin, voilà. Yves, si tu en es d'accord, je te propose qu'on continue le débat autour du buffet. Oui, moi, je m'aperçois que j'ai du mal à réagir.